Quand je pense à un film et l'écriture, elle passe d'abord par. Bon, il y a une idée que j'ai envie de mettre en scène et elle passe effectivement par le dessin. C'est-à-dire que quand j'écris un film, je fais des petits gribouillis. Alors, je le dis, c'est très pratique. Je fais des petits gribouillis sur ces petits gribouillis. Mais ces petits gribouillis, en fait, ils sont pas simplement des petits gribouillis. Ils sont effectivement un déroulement qui est dans ma tête à moi, qui serait un peu comme les notes de musique ou quelque chose comme ça. Mais c'est des petits gribouillis qui sont. Pour moi, tout le mouvement déjà du film et toute la narration du film. Donc c'est de ces petits gribouillis que va naître la narration en fait. Et après, les gribouillis n'étant pas forcément suffisamment explicites, il y a des mots qui viennent sur ces images. Mais quand j'imagine un film, j'imagine des images qui se mettent en mouvement et j'essaye de traduire ça d'une manière ou d'une autre, soit avec des mots, soit avec des images. Ensuite, et même quand il s'agit d'un. Parce que c'est vrai que là, même quand il s'agit d'un récit qui. Alors évidemment, c'est une ossature, j'étais complètement d'accord avec ce que disait Michel Lemieux, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une ossature sur laquelle on va pouvoir bouger, digresser. On a besoin de savoir où on va, et effectivement, dans l'animation. Mais que cette liberté qu'on a, alors évidemment dans le court-métrage, parce qu'il n'y a pas d'enjeu financier, il n'y a rien du tout, et qu'on a cette liberté-là, mais qu'on va pouvoir digresser autour de cette ossature-là. Voilà. Pour moi, l'écriture, c'est. La première écriture, c'est celle-là, c'est cette ossature-là, c'est ces gribouillis que je vais mettre en forme. Et l'écriture, elle va de ça jusqu'à la réalisation finale du film, musique et son compris, quoi. Et qu'à tout moment, on remet en cause les choix qu'on fait, on a ce cheminement, on remet en cause les choix qu'on fait, on remet en cause. Et chaque élément qui vient se rajouter remet en cause le précédent, c'est-à-dire qu'effectivement, le storyboard remet en cause le scénario, l'animatique remet en cause le storyboard, la réalisation du film, le mouvement qu'on va donner à nos images remet en cause l'animatique. Les dialogues qu'on a mis en place éventuellement pour construire le storyboard vont être remis en cause par les images une fois qu'elles sont réelles, parce qu'on s'aperçoit à ce moment-là qu'on a besoin de moins de mots qu'il n'en fallait, parce que les images, il faut leur laisser la place et tout ça. Donc voilà, pour moi, l'écriture du cinéma d'animation, c'est vraiment un cheminement où on sculpte un film petit à petit comme ça. Alors, ce qui est compliqué pour un producteur, c'est de se rendre compte ce que va être le film dans l'esprit du réalisateur. Donc, l'élément papier qu'il va vous envoyer, le scénario écrit, qui est en général accompagné d'images, c'est mieux, voire d'un bout de storyboard, ça va permettre de se faire une première idée du film. Mais en fait, moi, j'ai vraiment le sentiment, de plus en plus avec le temps, qu'on se rend vraiment compte de ce qu'est le film quand on parle avec le réalisateur. Et on se rend compte d'ailleurs parfois qu'il n'y a pas tout à fait l'adéquation entre le projet qu'on vous a envoyé et ce que le réalisateur a dans la tête. Parce que lui, il est déjà dans une démarche, il faut que j'arrive à convaincre un producteur. Donc voilà, j'ai présenté mon film comme ci, comme ça. Et puis finalement, ça peut déjà lui échapper un petit peu quelque part. Donc il faut essayer de bien comprendre ce que veut le réalisateur. Donc on est d'abord attiré évidemment par ce qu'on a sur le papier. On fait une idée et puis ensuite on confirme auprès du réalisateur. Et c'est à partir de là, d'abord on le fait travailler sur le projet pour que ça ressemble le plus possible à ce qu'il veut. Donc d'un premier temps, je pense que le travail d'écriture, c'est mettre les idées en place. Voilà, c'est voilà mes choix, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux pas, etc. Ça peut être long, ça peut être compliqué. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, on se dit, ben voilà, maintenant on passe à un deuxième stade, on essaye de convaincre. Alors, ça peut être avec ce qui a été fait, ou ça peut être un petit peu différent quand même, parce que parfois ouais, il faut arriver à convaincre, parfois c'est faux dans la mise en forme, pas dans l'écriture forcément tellement du scénario, mais dans l'argumentation et tout ça, il peut y avoir un travail qui est spécifique pour pouvoir convaincre les financeurs, les commissions, tout ça. Et puis bon, après il se passe le film, et après c'est une autre aventure, quoi. Voilà.